Il tenait à l'application de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Le verset 13 dit, « Dans ces temps, on lut en présence du peuple dans les livres de Moïse, on y trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans la maison de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. » C'était écrit depuis le temps de Balaam. Ce que les Ammonites et les Moabites ont fait, Dieu a dit, il faut mettre ça par écrit. C'est Dieu lui-même dans sa parole a dit que les Moabites ne devraient pas entrer dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Donc, il fallait appliquer la parole de Dieu. Vous voyez, nous devons appliquer la parole de Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que Dieu te parle. Tu connais qu'un chrétien ne doit pas épouser un païen. Mais toi, tu t'accroches à ce monsieur-là. Tu commences à prier pour que Dieu te montre des visions. Ma sœur, tu es en train de tenter Dieu. Tu connais ce que Dieu te dit. Tu connais que la débauche, l'impudicité, c'est interdit. Mais toi, tu es dedans. Mais tous les enseignements que tu suis, les prédications que tu suis, ça ne t'aide pas à changer. Mon ami, la Bible dit qu'il faut pardonner à celui qui t'a fait du mal. Ma sœur, regarde comment ta petite sœur, ça fait combien de temps tu ne peux même pas la saluer. Tu ne peux même pas aller lui rendre visite. Alors que la Bible dit pardonne, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc tu n'appliques pas cette parole et tu te demandes comment ton commerce ne marche pas. Alors qu'il y a un problème dans ta vie, tu n'appliques pas la parole de Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Tu te plains, ma délivrance n'arrive pas, on prie pour moi. Mais tu gardes un péché non confessé dans ta vie. Est-ce que tu sais que les démons là ne peuvent pas partir? Tu peux aller d'église en église. Mais on te dit qu'il faut confesser les péchés. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tant que tu n'appliques pas cette parole là, tu ne peux pas connaître la délivrance. Il faut appliquer. Lorsqu'ils ont lu ce qui était écrit, immédiatement Néhémie a ordonné, on a séparé les gens, les étrangers, c'est-à-dire les étrangers par rapport au peuple de Dieu. On a exclu les Ammonites et les Moabites. C'était en application de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que parfois les gens font ici. Au lieu d'appliquer la parole de Dieu, tu dis ça fait pitié. Mon ami, je vais parler à une sœur. Il y a un monsieur là qui te dit, si tu n'acceptes pas que je t'épouse, hein, oui, je vais aller en enfer, je vais me suicider. Ma sœur, il ne faut pas te laisser influencer par ça. Est-ce que tu comprends? Toi, tu dois appliquer la parole de Dieu. Tu ne dois pas te laisser entraîner par les sentiments. Applique ce que la Bible te dit. Quand ils ont vu ce qui était écrit, l'Ammonite et les Moabites ne doivent pas entrer, ils ont appliqué la parole. Ils ont demandé à tous les étrangers qui étaient entrés dans la maison de Dieu de se séparer. Et regardez ici, il y a trois actes qu'ils ont posés ici pour l'application de la parole. Premier acte, c'est la séparation avec les étrangers. Il est dit au verset 3, lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Deuxièmement, Néhémie a dénoncé le mal même de certains leaders. Quand on veut appliquer la Bible là, on doit dénoncer le mal. Que ce soit les diacres, que ce soit les trésoriers, que ce soit les pasteurs. Quand quelqu'un vit une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, on doit être à mesure de dire ta vie là que tu mènes n'est pas bonne. Même si c'est lui qui donne la plus grosse dîme. Est-ce que tu comprends? Nous devons avoir ce courage là. Le texte nous montre que les souverain sacrificateur Eliashib, il a établi dans les chambres de la maison de Dieu et parents de Tobija. Nous connaissons Tobija, c'est celui qui était l'allié de Sanballat, qui combattait la reconstruction de la muraille. Maintenant, Sanballat se permit d'être... Maintenant ici, Eliashib, le sacrificateur, l'homme de Dieu, il a établi dans les chambres de la maison de Dieu Tobija. Tobija était ammonite. Alors que la Bible dit l'ammonite et les moabites ne doivent pas entrer dans la maison de Dieu. Et il a établi dans la chambre où on garde les dîmes et les offrandes. Donc, Tobija dormait là-bas. Donc, la présence de Tobija était en train de souiller la maison de Dieu. Et qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a ordonné. Il a mis au dehors toutes ses affaires. Des fois, lorsqu'on veut appliquer la parole de Dieu, on peut être dur, mais le Seigneur sera glorifié. Est-ce que tu comprends? Ma sœur, tu héberges chez toi des gens que Dieu ne veut pas que tu héberges. Des gens qui font le mysticisme. Des gens qui vivent dans le désordre. Alors que la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fait l'astrologie. Personne qui invoque les morts. Mais lorsque toi tu les requêtes, tu dis, bon c'est par pitié, ils n'ont pas où aller. Tu es en train de désobéir à la parole de Dieu, tu vois. Et ça cause des problèmes. Je parle à toi. Ton problème, c'est que tu as accueilli chez toi en cherchant à faire du bien, rendre du bien, mais tu n'as pas su que les gens que tu as accueillis, c'est le diable qui les a envoyés pour te faire du mal. Le verset 8, il dit, « J'en éprouvais un vif déplaisir et j'ai jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Et j'ordonnais qu'on purifiât les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. » Deuxième grande vérité, c'est que nous devons assumer nos responsabilités vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Ils doivent être soutenus. Et à l'époque, leur salaire, c'était les dîmes qu'on donnait aux Lévites. Et les Lévites aussi à leur tour donnaient les dîmes aux sacrificateurs, la dîme de la dîme. Alors, lorsqu'on ne donne plus la dîme, lorsqu'on ne donne plus les salaires qui revient aux serviteurs de Dieu, ne soyez pas étonnés que les serviteurs de Dieu commencent à faire les champs, commencent à chercher à faire taxi, vous voyez? Et vous commencez à dire, ni, je ne vois pas notre pasteur. Notre pasteur n'est pas disponible. Mais est-ce que toi, tu donnes ta dîme? Est-ce que toi, tu donnes au pasteur ce qu'il faut pour qu'il fasse bien le ministère? Le verset 10 dit, « J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfouis chacun dans son territoire. » Vous voyez? Comme ils n'avaient pas de salaire, chacun a laissé la maison de Dieu dit, « Je vais me chercher, comme on dit, à Côte d'Ivoire. » Mais Néhémie a fait des réprimandes aux magistrats. Verset 11, « Je fis des réprimandes aux magistrats et j'ai dit, « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Et j'ai rassemblé les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. » Donc, notre responsabilité, c'est d'apporter nos dîmes, nos offrandes, tout ce dont les hommes de Dieu ont besoin pour leur salaire, pour leur ministère. Deuxièmement, nous devons organiser la gestion de l'argent, des dîmes, des offrandes, en confiant cette gestion aux hommes de confiance. C'est ce que Néhémie a fait. Il est dit ici, au verset 13, « J'ai confié la surveillance des magasins à Shelemia, les sacrificateurs à Tsadok, les scribes à Pedaja, l'un des Lévites, et je les rajeunis à Anan, fille de Zakur, fille de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. » Est-ce que les gens à qui nous confions la responsabilité de nos finances dans nos églises, est-ce que ce sont des gens fidèles? Nous devons choisir des hommes fidèles à quelque niveau de responsabilité que ce soit pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons louer le Seigneur en chantant ces cantiques. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Chômage, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Malédiction, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Gloire au Seigneur. Élevons-nous nos voix. Bénissons l'Éternel. Nous te glorifions, ô notre Père, notre Seigneur, toi qui nous reçois favorablement jour après jour dans ta présence. Oui, tu nous reçois dans le lieu très saint. Tu es celui qui nous multiplie tes faveurs. Nous te bénissons pour cela. Merci, ô Père, toi le Dieu qui nous a acceptés dans ta maison afin que nous puissions te servir. Par pure grâce, béni sois-tu, Père, pour cela. Aide-nous, ô Seigneur, à ne pas être de ceux-là qui mettent les désordres dans ta maison, mais à mettre plutôt de l'ordre. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes instructions et à obéir pleinement à tes instructions. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux-là qui abandonnent ton œuvre parce que nous ne sommes pas rémunérés. Mais nous voulons nous accrocher à toi, car c'est toi qui es notre rémunérateur. Oh, nous bénissons ton nom. Toi, le Dieu qui touche le cœur, afin que ton œuvre soit soutenue. C'est toi seul qui peux le faire. Fais-le à cause de ton nom, à cause de ta bonté. Que l'honneur te revienne, notre Père et notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Néhémie 13, 1 à 14 est notre passage du jour. Nous venons de voir que nous devons méditer et appliquer la parole de Dieu. Chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, aide-moi à appliquer ta parole. Si Dieu t'a révélé un domaine où toi tu étais désobéissant, demande pardon. Et Dieu, demande à Dieu la force d'appliquer la parole de Dieu, de te débarrasser des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, de rompre des relations avec des personnes avec qui tu ne devais pas être en relation. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la notre Père, ce matin nous te bénissons, nous te glorifions pour tous tes hauts faits. Lorsque nous tournons chaque jour nos regards vers toi, ta joie nous comble, ta joie nous environne. Merci Père éternel pour ton amour à notre égard. Nous prions ce matin au Père éternel parce que nous avons pris l'engagement de recevoir ton Fils Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons mettre en pratique ta parole. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout obstacle à l'application de ta parole, tout obstacle à la marche dans tes voies soit ôté de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons cet engagement au Père éternel et nous demandons que tu nous fortifies par ton Esprit Saint, afin que nous soyons des exemples dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout blocage à notre témoignage soit ôté au nom de Jésus. Soutiens notre engagement, soutiens notre zèle, relève la tête de ceux qui sont abaissés, donne du courage à ceux qui sont découragés et accorde-nous cette grande joie dont nous avons besoin chaque jour pour témoigner de tes bienfaits, pour exprimer notre reconnaissance pour toutes les grandes choses que tu as faites dans notre vie. Merci Père éternel, parce que tu maintiens en nous la vie, le mouvement et l'être. Et nous prenons l'engagement d'être toujours des exemples de la mise en pratique de ta parole, que nous soyons des exemples aussi de contribution à l'avancement de ton royaume. Merci Père pour toutes choses. C'est au nom de ton Fils Jésus Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que nous devons apporter nos dîmes, nos offrandes, pour que les hommes de Dieu, pour que ceux qui servent dans la maison de Dieu soient bien rémunérés. Nous allons prier. Parfois dans nos églises, dans nos ministères, les gens ne sont pas fidèles en donnant à l'œuvre de Dieu comme il se doit. Prions pour que Dieu nous libère de la cupidité, afin que nous apprenions à soutenir les hommes de Dieu, ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous enseignent, ceux que Dieu nous a donnés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te glorifions ce matin pour cette opportunité que tu nous donnes de t'honorer, de magnifier, de proclamer ta gloire. Seigneur, le psaume 128 dit « Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Heureux seras-tu comme tu iras bien. » Pour toi, Seigneur, merci parce que tes promesses sont oui et amen. Chaque jour, nous voyons ta main puissante dans notre vie. Nous voyons ta grâce manifestée, car tu nous as donné un travail. Tu nous as donné, Seigneur notre Dieu, des activités lucratives qui nous génèrent des financements, qui nous génèrent un bon produit de notre travail. Chaque jour, Seigneur notre Dieu, tu élèves, oui, nos vies. Tu gardes, tu protèges, que ce soit de façon individuelle, en famille, et même dans toutes nos activités, nous voyons ta grâce, nous voyons ta puissance, nous voyons ton honneur, nous voyons ta fidélité. Mais en notre tour, Seigneur, nous sommes ingrats dans le donner. Nous sommes ingrats pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Nous ne donnons pas comme il se doit. Nous ne donnons pas comme, oui, tu le désires. Nous ne soutenons pas les serviteurs de Dieu. Pourtant, tu nous as bénis. Aujourd'hui encore, certains sont sceptiques pour donner à la radio Fréquence Vie, qui est un canal d'édification, de restauration, de guérison, de manifestation, de puissance dans la vie de ses auditeurs. Merci pour toutes ces personnes qui donnent. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu suscite des personnes fidèles pour la gestion de l'argent. Parfois, il y a des gens qui gèrent l'argent de Dieu, des gens qui escroquent l'argent de Dieu, des gens qui fouillent avec l'argent de Dieu. Prions pour que ceux qui gèrent l'argent, ceux qui gèrent les dîmes, les offrandes, ceux qui gèrent les biens matériels dans nos églises, dans nos ministères, soient des personnes de confiance, des gens fidèles qui ont la bonne réputation. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre. Seigneur, j'exprime toujours ma reconnaissance parce que lorsque je me suis couché hier, je me suis endormi. Je n'avais aucune assurance de me réveiller ce matin. Mais tu m'as fait cette grâce. Il y a certains qui ont quitté leur maison hier. Ils ne sont pas revenus. Ils se sont retrouvés à la morgue. Mais tu as maintenu en moi le souffle de vie. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Ce matin, ô Père éternel, je prie pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour toutes les personnes ressources qui ont en charge la gestion des biens de l'Église, la gestion des offrandes, la gestion des dîmes, la gestion de tout ce qui est propriété de l'Église. Je prie pour une intégrité, pour une bonne intégrité, afin que cette gestion honore ton royaume. Je prie au Père dans le nom de Jésus-Christ et je demande que tu mettes ta grâce en eux, que ta faveur les accompagne et qu'ils assurent leur gestion en toute intégrité et avec droiture, à la gloire de ton nom. Tu as fait de nous, ô Père éternel, des dispensateurs de tes biens, des administrateurs, des gestionnaires de tes biens. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus que toute forme de convoitise, tout esprit de détournement, tout esprit de mauvaise gestion est ôté de nos communautés dans le nom puissant de Jésus. Merci Père pour l'esprit de douceur, l'esprit d'intégrité que tu accordes à nos gestionnaires. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre grand rendez-vous spécial OSP Jéricho. Si tu n'as pas encore ton livret, viens l'acheter à 500 francs. Nous commençons les jeûnes ce dimanche 1er mai. Et nous allons le clôturer le samedi 7 mai à Adjamé, à l'église centrale de l'Assemblée de Dieu. Mais nous voulons rappeler que ce dimanche, nous aurons notre rencontre bonheur conjugal des couples mariés. Nous allons parler de la puissance du pardon dans un couple. C'est à 17h au CPE. L'entrée est libre. Au revoir et à demain. La puissance par son bras puissant. Faisons